grosses têtes. Les grosses têtes au carré. Oh, oh, oh. Au carré. Carré. Décortiquer. Analyser. Commenter l'actualité scientifique. C'est jusqu'à 15h sur France Inter. Et bienvenue dans la plus grande librairie de France, avec donc nos grosses têtes au carré qui s'installent cet après-midi au Salon du Livre à la Porte de Versailles à Paris. Bonjour donc au public qui nous a rejoint très nombreux. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour passer cette heure avec nos grosses têtes au carré. Un plateau de rêve, puisque nous sommes avec Claudie Aigneret, Sophie Bancard, Hubert Reeves, Axel Kahn, Clémentine Bacry et Adrien Normier. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Quelle place pour la science ici au Salon du Livre, quelle réalité pour les ouvrages scientifiques dans le monde de l'édition. C'est le premier sujet dont on va parler avec vous, Sophie Bancard. Vous êtes la présidente du groupe Science pour tous du syndicat national de l'édition. Et vous avez un beau stand ici au Salon du Livre. On a un stand merveilleux, très très grand, dans lequel nous accueillons 32 rencontres avec des grands scientifiques et beaucoup de public. Et beaucoup d'enfants. Et beaucoup d'enfants, ce matin. Très sages, très attentifs. En tout cas, ça tombe très bien, puisque nous avons autour de cette table probablement les deux scientifiques qui ont été parmi les plus gros vendeurs de livres en France, avec leurs ouvrages respectifs, l'astrophysicien Hubert Reeves et le généticien Axel Kahn. Hubert Reeves, on va parler avec vous d'un spectacle qui s'appelle Cosmophonie, qui sera joué le 27 mars à Mélan, en Isère, et dans lequel, donc, justement, vous lisez des extraits de vos livres. Oui, c'est un spectacle dont le but est d'associer la musique contemporaine, donc pas facile, il faut vraiment s'y mettre, et l'astrophysique et des souvenirs personnels, des relations entre la science et l'art. Je crois que c'est une idée originale de Madame Karine Lethiec. On va en parler avec vous. J'espère que ça va bien tout marcher. À l'heure. Axel Kahn nous a rejoint avec une bonne mine, vraiment à insolente. Pied en plus. Insolente. Et vous êtes venu à pied. Toujours. Hein, maintenant, c'est comme ça que vous... À pied ou à cheval, mais comme mon cheval n'est pas à Paris, en général, c'est à pied. Combien de livres est-ce que vous avez écrit, Axel Kahn, à peu près? Vous en avez une idée ou pas? Oh, j'ai dépassé la vingtaine. Voilà, mais j'ai compté pas. À peu près 23. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà, 23. Et le dernier s'appelle « Penser en chemin, ma France, des Ardennes au Pays Basque », chez Stock. C'est sans doute le moins scientifique de vos livres, mais le plus personnel. C'est le journal de bord donc de votre randonnée de 2000 km réalisée l'année dernière. Claudie Aigneret, vous êtes la présidente d'Univers Science et ancienne astronaute. Vous avez remis cette semaine le prix Science Factor, qui récompense un projet scientifique et technologique innovant porté par des collégiens et des lycéens. Ça fait combien de temps qu'existe maintenant ce projet? Ça fait 3 ans déjà que Science Factor fait ses projets pour les jeunes, et c'est toujours aussi enthousiasmant de les voir se mobiliser sur ces projets de sciences et de techniques. Et sur le plateau des grosses têtes au carré, vous faites connaissance avec un couple que pourtant vous connaissez extrêmement bien. Oui. Puisqu'ils travaillent avec Univers Science, c'est Clémentine Bacry et Adrien Normier. Clémentine, vous êtes avocate au barreau de Paris et du Luxembourg. Adrien Normier, vous êtes pilote de ligne Air France. Et ensemble, pendant un an et demi, entre mai 2012 et juin 2013, vous avez traversé la planète dans un avion ultra léger pour soutenir des projets scientifiques. Ça s'appelle Des ailes pour la science. Vous êtes justement à la recherche d'un éditeur. Je crois que c'est vraiment le lieu idéal pour en trouver un. On va vous retrouver dans quelques minutes. Vous nous rejoignez en tout cas, bien sûr, comme tous les jours, vous qui nous écoutez derrière votre poste avec vos messages et vos courriels, franceinter.fr et l'attaque FI. Voilà pour le sommaire de ces grosses têtes au carré réalisé par Violaine Ballet, dossier préparé par Anne-Cécile Perrin avec Chantal de Montagnier et Antoine Bonvoisin. When it's strangled. Turn It Around avec Lucius sur France Inter. Les grosses têtes au carré. Jusqu'à 15h sur France Inter. Les grosses têtes au carré en public et en direct du Salon du Livre à Paris avec aujourd'hui Claudie Ignoret, Sophie Bancard, Hubert Reeves, Axel Kahn, Clémentine Bacry, Adrien Normier. Et bien sûr, vous nous rejoignez avec vos messages en direct, toutes vos questions, franceinter.fr et sur la TAC-FI. Et puis pour le public, on a un petit micro également à votre disposition. Si vous avez envie de nous rejoindre pendant la discussion et de poser des questions à nos invités, vous êtes les bienvenus. Quelle place pour le livre scientifique ici au Salon du Livre et puis dans l'édition d'ailleurs en général? Sophie Bancard, vous êtes donc la directrice générale des éditions Le Pommier, présidente du groupe Science pour tous, syndicat national de l'édition. Science pour tous, donc installé ici. On a une idée un petit peu de ce que ça représente dans l'édition scientifique, enfin dans l'édition justement, la partie scientifique. Eh bien, aucune. C'est incroyable, ça. C'est formidable, parce qu'en fait, traditionnellement, on avait des mesures pour avoir une estimation pour les sciences techniques et médecine qui est dure d'autrefois. Et les nouvelles sciences pour tous que nous représentons, c'est-à-dire vraiment, comme son nom l'indique, des essais, de la vulgarisation, des romans, des beaux livres, des livres pratiques, toutes sortes de livres différents, et très accessibles pour tous. Mais ça, on n'a pas de mesure pour savoir qu'est-ce que ça représente. Tout ce que je peux dire quand même, c'est que depuis 2004, le moment où nous avons créé ce groupe à l'intérieur du syndicat, on a vraiment vu une progression dans les librairies de la place de ce rayon sciences pour tous. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que les gens achètent pour autant? Alors, moi, je me rends compte d'une chose extraordinaire quand on est sur les salons, comme ici, c'est que vous avez, au Pommier, on a des livres de sciences et des livres de sciences humaines. Et en règle générale, les livres de sciences humaines se vendent plus facilement en librairie que les livres de sciences. Ici, c'est le contraire. Quand on est en accès direct avec le public va vers la science. Il est passionné par la science. On a un problème général qui est l'éducation des libraires et des bibliothécaires à propos de la science. En général, ils viennent tous des sciences humaines et de la littérature. Ouais. C'est quand même embêtant de ne pas pouvoir dessiner quand même des tendances et puis savoir un petit peu si le grand public est intéressé ou non par la question de l'édition scientifique, Axel Kahn. Non, juste une observation. Avec Hubert Reeves, nous disions en aparté que la science, en réalité, est une jubilation. Et dans un salon, on peut vraiment faire valoir ce côté jubilatoire de la science. Je crois que le Pommier le fait très bien et c'est la raison pour laquelle il y a plus d'amateurs dans des salons. Oui, en tout cas, tous les deux, Hubert Reeves et Axel Kahn, vous n'êtes absolument pas représentatifs de ce qui se fait dans les ventes de livres. Dommage d'ailleurs, parce que si tous les livres se vendaient comme vous, ce serait absolument extraordinaire. Mais là, vous êtes évidemment dans des scores un petit peu particuliers. Claudie Ignoret. Oui, je partage tout à fait cet avis d'Axel Kahn. La science est jubilatoire, mais c'est vrai qu'elle n'est pas obligatoirement facile d'accès, et en particulier pour les libraires, par exemple. On le voit bien, vous l'avez rappelé, Sophie, qui viennent plutôt d'un environnement littéraire. Et on a cette année, entre guillemets, séparation en France de ce qui est un genre littéraire et un genre scientifique. Et si on n'est pas baigné dans ce bain de la science, on dit, mon Dieu, c'est difficile, c'est pas pour moi, je me mets à distance. Donc, il faut s'éduquer, effectivement, et réintroduire science et technique dans notre culture générale. Oui, donc, vous parlez déjà finalement du sujet qu'on va évoquer avec vous aussi, hein, puisque c'était l'objet de ce projet aussi. C'est cette difficulté, effectivement, même pour les libraires, de mettre en première ligne ces livres scientifiques et d'apporter conseil à ceux qui viennent leur rendre visite. Alors Sophie Bancard, on a quand même des informations. Qu'est-ce qui intéresse le public? Est-ce que ce sont plutôt justement les sciences dures ou les sciences humaines? Qu'est-ce qui marche bien? Est-ce que c'est la bande dessinée, l'essai, le roman, la science-fiction? On a quand même des pistes un petit peu? Je dirais que les pistes des dernières années, c'est que c'est plutôt la science gaie, la science heureuse, la science jubilatoire, comme vous disiez. Tout ce qui est expérimentation, tout ce qui est... Et alors, moi, je remarque quand même vraiment beaucoup que le public a besoin de rencontrer les auteurs. Quand ils vous voient, quand ils vous écoutent, après, ils n'ont qu'une envie, c'est de poursuivre leur découverte par les livres. Mais c'est vrai que les rencontres sont précieuses. Hubert Reeves, votre point de vue, vous, cette question de l'édition scientifique. Oui, mon point de vue, c'est qu'il y a une très grande demande de livres scientifiques. Je reçois continuellement des demandes en lettres. Je crois qu'une chose importante, c'est que le public doit être rassuré. Les gens sont inquiets. Est-ce que je vais comprendre? Est-ce que je vais être confronté à ce qu'on appelle sa propre stupidité, qui n'est pas le cas? C'est simplement que les livres ont été mal écrits et que cette demande de rassurer est un des éléments fondamentaux de l'écriture. Avec trois mots abstraits, les gens se disent « je comprends rien, c'est bon, je suis pas bon, je vais aller regarder la télévision ». Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il y a une très grande insécurité chez les gens quant à leur niveau intellectuel. Je ne sais pas si c'est l'école qui donne ça. Ils ont besoin d'abord qu'on les rassure et qu'on leur dise « Oui, tu comprends, tu es capable, continue. » Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait un bon auteur scientifique, au fond, Sophie Boncard, Axel Kahn hein? Alors, un auteur scientifique qui réussit à transmettre son enthousiasme, c'est déjà très important. Comme le dit Hubert, qui est capable de raconter de façon simple, c'est essentiel. Mais je voudrais ajouter une chose quand même, c'est que le rôle de l'éditeur n'est pas totalement inexistant dans ce domaine. Et que, par exemple, au Pommier, nous, on a décidé d'être tous des non-scientifiques. Aucun d'entre nous n'a jamais fait de science dans ses études et on est au contraire simplement curieux. Et nous sommes les premiers lecteurs, c'est-à-dire que si nous on n'a pas compris, on dit on n'a pas compris. Et je crois que c'est très important. En fait, on comprend très bien dès qu'on se met, on met des lunettes, quoi, dès qu'on regarde. Alors Axel Kahn, tiens, dans un domaine comme le vôtre, quand même, la génétique, oui. Où c'est pas le domaine le plus drôle de la Terre quand même. Comment on arrive à faire en sorte que le public s'intéresse? Je crois que la définition d'un bon auteur scientifique, c'est un auteur qui sait ce que c'est qu'un message. Un message doit comporter un émetteur, en l'occurrence l'auteur du livre scientifique, mais également un récepteur. Et quand il n'y a pas de réception du message, évidemment, il n'y a pas de message et ça ne vaut rien du tout. Mmh. Et par conséquent, quand vous vous adressez au public général, naturellement que la science peut être compréhensible par le public général et surtout peut l'intéresser. On ne doit pas insuffler la culture comme un suppositoire. Ouais, il faut qu'il y ait une joli, demande, une appétence. On adore. Réellement, absolument, une appétence. Ça, ça va être retweeté tout de suite, Axel Kahn. Axel Kahn a déclaré au Salon du Livre, voilà. Et alors? Et alors, je crois que cette exigence de savoir et de se focaliser sur celui qui sera le récepteur, qui lira le livre, de telle sorte qu'il perçoive le message, si on a ce souci-là, alors on peut être un bon auteur scientifique. Très bien. En tout cas, la bataille des formules est lancée autour de cette table. Claudie Aigneret. Oui, le souci de ce message compris nécessite qu'on ait un langage commun. Et ce n'est pas toujours facile pour le scientifique de trouver ce langage ou la forme d'expression qui permet d'être reçu par le récepteur. Donc, il n'y a pas simplement un message à faire passer, il y a un langage à trouver et puis ensuite discuter autour de ce langage. Alors, il y a de multiples formes. Il y a le livre, comme on en parle aujourd'hui. Il y a des expositions qu'on peut avoir dans des centres de sciences. Voilà, la muséographie. Il y a les formes que Hubert peut proposer. Et puis, il y a des ressources audiovisuelles d'aventures racontées, partagées. Voilà, un langage, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme, qu'on ait en commun. Et les conférences aussi, c'est simplement un point, parce que assez souvent, on commence à aimer la science dans les yeux qui brillent du scientifique qui la présente. Alors justement, l'incarnation de l'auteur, c'est important, Hubert Reeves. Absolument. C'est une personne avec une personnalité, justement une singularité qui parle et qui écrit au public. Oui, ça compte énormément. C'est le passeur. C'est celui qui est entre vous et le matériel scientifique. Et les livres qui se vendent le mieux aujourd'hui, ce sont des livres de personnalité quand absolument, même. Absolument, absolument. Le matériel scientifique, il est dans les librairies, il est à l'Internet. Il faut quelqu'un entre les librairies, l'Internet et la personne pour lui dire, voilà, je vais te présenter, je vais te dire des choses qui peuvent t'intéresser. Je vais t'apporter cette possibilité d'être intéressé à des choses que tu ne connais pas. Il y a une transmission humaine qui est indispensable. Vous avez beau avoir toute la technique possible, s'il n'y a pas quelqu'un entre la personne et l'œuvre, ça ne passe pas. Alors, Clémentine Adrien, justement, on va parler de votre voyage formidable dans quelques minutes, ce tour du monde donc, que vous avez réalisé en ULM. Et puis maintenant, donc, il y a le récit de ce voyage que vous aimeriez voir exister aussi en livre. C'est quoi la démarche, justement, de jeunes auteurs comme vous qui n'avaient pas encore signé avec une maison d'édition quand on est ici au Salon du Livre? Comment on s'y prend, justement, pour essayer de rencontrer un petit peu ce milieu? Alors, avant de vous répondre, Mathieu, je voulais juste revenir sur le sujet qui était en cours. On a eu les mêmes problèmes concernant les films qu'on a fait. C'est finalement la même démarche que celle d'un éditeur ou d'un scientifique qui essaye de communiquer au public. Oui. On s'est retrouvé avec les mêmes problèmes à interviewer des scientifiques, à rencontrer des scientifiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que la répartition s'est faite comme ça entre Adrien et moi. C'est moi qui étais face à l'écran, c'est moi qui étais sur l'image. Parce que justement, comme j'avais pas ce bagage scientifique, ça m'obligeait, pour être capable de transmettre le message, de le comprendre moi-même. Vous mettre à la place aussi des personnes qui vont vous regarder. Et alors pour le livre, Adrien, comment vous allez vous y prendre alors? Alors pour le livre, on est en phase d'écriture en ce moment. On se pose la question du positionnement. La réflexion qu'on se fait, C'est qu'en fait, avant d'être happé par le média, avant de se plonger dans un livre ou même dans un film, il faut avoir la curiosité, l'étincelle qui fait qu'on va s'y jeter. Et on pense que, Clémentine et moi, que en fait, la création de cette étincelle, elle se fait dès le plus jeune âge. Et dès que le jeune être humain est capable de se dire « Attends, comment ça marche, cette bouteille d'eau, ce plastique, comment ça s'est formé, pourquoi c'est transparent ?» C'est cette curiosité-là qu'il faut cultiver. Et donc l'idée aussi pour vous, c'est d'écrire le livre avant même de rencontrer l'éditeur, au fond, hein, c'est ça ? Bah, nous, on a une volonté qui est sous-jacente. On met en place nos idées et ensuite, on va chercher l'éditeur qui sera prêt à propulser ça. Allez, Claudia Nuret, pour terminer sur ce oui, thème. Je voulais dire que Universcience avait choisi d'accompagner Clémentine et Adrien parce que justement, ils portaient le récit d'une aventure. Et je pense que ça revient à ce qu'on disait précédemment. Voilà, un homme et une femme. Ça devrait faciliter les choses aussi pour trouver un éditeur, certainement. Mais sans doute, ils ont fait de merveilleux audiovisuels qui sont visibles sur notre site internet universcience.tv, mais dans de multiples autres lieux, évidemment. On va en parler avec vous tout à l'heure. Hubert Rives, donc, avec nous sur ce plateau au Salon du Livre. Et c'est vrai, Hubert, que le livre a une place absolument essentielle dans votre parcours et dans ce lien aussi très particulier que vous avez avec le public. Vous l'avez évoqué de temps en temps, mais c'est vrai que Patience dans l'Azur, 1980, c'était votre deuxième livre en réalité. Vous avez fait tout un travail que vous devez d'ailleurs beaucoup à votre femme, hein, qui est journaliste. Camille. Et Camille, eh ben, vous a dit, voilà, Hubert, t'es scientifique, mais si tu veux toucher le public, il va falloir écrire autrement. Et c'est à partir de Patience dans l'Azur que vous avez commencé ce travail et que vous avez touché les gens aussi. Hein. Oui, c'était un événement tout à fait inattendu. Moi, je voyais ma vie dans un laboratoire, un observatoire plus exactement, parce que je faisais de l'astronomie. J'ai écrit ce livre en ne pensant nullement qu'il aurait du succès. Et je me suis retrouvé tout d'un coup projeté sur la scène médiatique. Parce que si vous écrivez un livre qui a du succès, on vous écrit, on vous demande des émissions de radio et de télévision. Et tout d'un coup, ça vous donne une responsabilité parce que c'est un fait que quand les gens sont connus, leur parole est plus écoutée que s'ils ne sont pas connus. Oui, mais cette écriture, vous l'avez travaillée quand même. Elle n'était pas spontanée pour vous au départ. Grâce à ma femme, oui, effectivement, ouais. Qui était journaliste elle-même et qui était très près de ce style très actif qui est représenté aujourd'hui par Libération, par exemple, et aux États-Unis, par les Rolling Stones, toutes ces écoles qui disent il faut être direct, il faut être simple, il ne faut pas ciseler ces mots, mais il faut être simple pour les auditeurs. Alors Hubert Rives, jeudi 27 mars, vous serez sur scène dans un spectacle. Vous allez lire justement des extraits de vos livres. Ça s'appelle Cosmophonie. Ça sera joué à Mélan en Isère. Mm-hmm. Est-ce que c'est un village que vous connaissez, Axel Kahn ? Oui, très bien. Vous y êtes passé en marchant ? Pas ce coup-ci, mais j'y suis passé de nombreuses fois, oui. Alors ce sera dans le cadre du festival des Détours de Babel qui va se tenir à Grenoble du 25 mars au 12 avril. Un petit mot sur ce festival justement, Hubert Rives ? Oui, c'est ce que je connais, c'est ce que nous en faisons, c'est-à-dire associer la musique, qui est un plaisir, et l'astronomie, les belles images, qui c'est également du plaisir. Oui. Donc on s'est dit d'associer les deux, ça double le plaisir. Voilà, c'est la musique contemporaine en particulier ? La musique contemporaine, ah oui, c'est gonflé quand même. Ben, c'est un essai, c'est une expérience. Est-ce que ça va réussir ? Mais on essaie justement de faire passer la musique contemporaine que ordinairement on subit. On met l'émission, puis on écoute et on attend que ça finisse. Eh bien là, on essaie d'apporter le plaisir possible que peut donner cette musique lorsqu'on s'y entraîne, lorsqu'on en fait une sorte d'assaise. Parce qu'au départ, ça peut souvent n'être pas très agréable. Donc en associant avec la musique, on pourrait dire, et avec l'astronomie, on pourrait dire que c'est une expérience. Oui, mais c'est très intéressant parce que c'est vrai que cette musique contemporaine, elle colle aussi parfaitement avec cette idée de création de l'univers. On va voir très rapidement que les choses se superposent très facilement en réalité. Tout à fait. Tout à fait. Axel Kahn, ça vous parle, vous, hein, ce lien entre art et science, bien sûr. Oui, on en reparlera tout à l'heure, si vous voulez. Cela étant dit, il y a de très grands musiciens qui ont déjà parlé de la création du monde, Haydn en particulier. Donc, il n'y a pas que la musique contemporaine qui peuvent le faire. Oui, mais là, en tout cas, il y a vraiment une initiative qui est intéressante pour faire connaître aussi cette musique qui est plus difficile d'accès parce que, bizarrement, notre cerveau, il n'a pas eu l'habitude d'en entendre beaucoup. Et donc, il faut une porte d'entrée. Vous allez le faire en évoquant quel thème, Hubert Rives ? Alors, différents thèmes, justement, de l'évolution de l'univers, les dernières connaissances scientifiques, nous sommes des poussières d'étoiles, tous ces éléments qui nous rapprochent de l'univers et qui font de nous des êtres qui sommes présents dans une longue évolution. C'est faire prendre aux gens l'importance, conscience aux gens de l'importance de ce qu'ils sont, d'où ils viennent et, ouais. et leurs responsabilités. Ouais. Il y a un peu cette dimension aussi. Claudine Nuret, est-ce que vous écoutiez de la musique dans l'espace à l'occasion de vos deux séjours ? Oui, merci. Un petit souvenir personnel, effectivement, quand en regardant par le hublot de la station spatiale, bon, à la fois la beauté de la Terre, tout autant que le hublot côté cosmos, profond, noir. C'est vrai que cette contemplation et ce bonheur de la contemplation, il était souvent aidé, sublimé par une musique qui accompagnait pendant une heure. Et laquelle choisissiez-vous ? C'était quoi ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous écoutiez ? Haydn ou bien la musique plutôt moderne ? Pas la création contemporaine, mais pourquoi pas. Je me souviens d'Orbite magnifique avec la Callas non Norma. Ah oui. Ça, je vous suis là. Mais ça doit être terriblement émotionnel, enfin, d'écouter. C'est pour ça que j'ai employé le mot. Oui, j'ai employé le mot de contemplation. C'est vrai qu'il nous amène à nous poser des questions, effectivement. Là, on arrive au sublime quand vous avez la calage, l'univers, la terre. Voilà, c'est ça vraiment... sublime. Il n'y a pas d'autres termes qui conviennent. Clémentine, Adrien, est-ce que dans votre ULM vous écoutiez de la musique aussi de temps en temps ? On écoutait beaucoup de musique. C'est vrai. Les vols étaient très longs. On a fait des vols jusqu'à 8 heures. C'est pour ça que je pose la question. Absolument minuscule. Ouais. Et donc, dans ces cas-là, quand les situations étaient un petit peu stressantes, la musique détend les mœurs. Ouais. Et alors, quelque chose d'assez amusant, c'est que souvent, on arrivait à capter la radio des pays survolés. Et donc, c'était pour vous un accompagnement hein, dans ces contrées donc, que vous avez découvertes. Oui, avant d'atterrir, ça nous mettait directement dans l'ambiance. Ouais. C'était très sympa. Hubert, vous êtes musicien ? Non, je le regrette. J'ai cessé, j'ai appris un peu la musique et mon grand regret, c'est de ne pas jouer du piano. Ouais. Moi, ça, c'est la chose dont je me sentirais toujours frustré. Mais dans toutes les familles québécoises, on fait de la musique en général quand il y a plein de frères et sœurs. Oui. Il y a beaucoup de musiciens, de scientifiques qui sont musiciens. Einstein a été un bon musicien. Il y a beaucoup de... Il faisait quoi, du piano et du violon, je crois. Il était violoniste. Ouais. Et on rencontre beaucoup de scientifiques. Thibaut Damour aussi nous en avait parlé, le physicien Thibaut Damour, qui est un grand pianiste également. Absolument. Hubert Reeves, cette semaine, on a beaucoup parlé d'ondes gravitationnelles. C'était le grand sujet cosmologie de la semaine. On a fait une émission mardi, c'était compliqué. On s'est dit, mais de quoi il nous parle et tout le monde en parlait dans ce milieu de la cosmologie. Il y a quelque chose de très important, là, apparemment. On a compris quand même qu'il se passait quelque chose. Hein. Bon, nous sommes maintenant dans cette mouvance de ce qu'on appelle le Big Bang, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans le passé de l'univers. Et le scénario établi, accepté, c'est qu'il y a eu, c'était très chaud, très dense, ça ressemble à une grande explosion. On appelle ça le Big Bang. Ouais. Mais en science, il faut toujours des confirmations. Il ne suffit pas d'avoir de belles idées, il faut que ça soit confirmé. Alors, ceci dit, on sait qu'il y a la lumière, mais il y a un autre type d'onde, je ne vais pas vous les décrire, qu'on appelle les ondes de gravité. Et on savait, enfin, la théorie disait que autant il y a de la lumière qui nous vient du Big Bang, on le sait maintenant, il y a aussi cet autre type d'onde et il fallait les détecter. Ouais. Et jusqu'ici, on n'avait pas d'appareil en mesure de détecter les ondes gravitationnelles. Ce qu'on a célébré, c'est la première fois qu'on les a détectées, ce qui a confirmé, mais on a toujours besoin de confirmations supplémentaires en science, le fait que le Big Bang était une idée défendable. Ouais. Ce n'est pas la vérité. En science, on n'est pas dans les dogmes. On ne dit pas c'est vrai, c'est pas vrai. On dit voilà le meilleur scénario si vous voulez décrire le passé de l'univers. Eh bien, ce scénario, pourquoi vous devriez y croire ? Vous ne devez pas y croire, mais pourquoi il doit vous paraître crédible ? C'est parce qu'il y a des confirmations d'observation. L'observation est toujours la chose fondamentale en science. On avait déjà une observation du côté de la lumière. Il manquait la suivante parce qu'on n'avait pas les instruments pour la détecter. On l'a trouvée. Ça confirme encore plus ce fameux scénario de cet univers qui naît comme une grande explosion. Voilà, donc il s'est passé un événement important cette semaine. Très important. Ça fait des décennies, presque un siècle qu'on attendait. Depuis Einstein, on savait que ces ondes de gravité existent, mais on ne les avait jamais détectées. Cosmophonie, justement, ce spectacle le 27 mars à Mélan, en Isère, c'est autour de la nature. Là, justement, dans ce domaine de la cosmologie, c'est aussi une connaissance de la nature qui avance. Hein. Absolument, absolument. On précise les choses. Nous connaissons de mieux en mieux cet univers dans lequel nous vivons. Ouais. Claudie Agneret. Oui, je vais faire le job pour Sophie et Hubert, parce qu'ils ont... un très beau bouquin là, sur les épaules des savants, le pommier, l'univers, ce qu'on ne sait pas encore. Et en entendant Hubert, Je me dis, ce que l'on ne voit pas encore, il y a tout cet univers noir, ces ondes gravitationnelles dont vous parlez. Je trouve que ça, c'est la magie et la jubilation dont on parlait tout à l'heure, de la science, de l'exploration. Est-ce que justement, Hubert Reeves, un jour, on arrivera, selon vous, à observer ce qui s'est passé avant le Big Bang, avant même cet épisode d'inflation, d'explosion extraordinaire dont on a parlé avec les ondes gravitationnelles? On n'en sait rien. Il faut savoir peut-être si ça a un sens. Oui, peut-être que non. Peut-être que le mot temps n'existait même pas. Peut-être qu'avant le Big Bang, ça suppose qu'il y avait du temps. Parce que si on dit ça, avant, ça veut dire qu'il y avait du temps. On ne sait même pas s'il y avait du temps avant. On ne sait pas si le Big Bang, ce n'est pas le début du temps lui-même. Ça, c'est la grande énigme, ça. Les grands inconnus. On va méditer ça pendant Franck Monnet. On se retrouve juste après en direct du Salon du Livre. Et moi j'ai la nostalgie du présent, cette nouvelle vie est si intense. J'entretiens la nostalgie pour quand toi et moi nous serons différents, différents. Chaque image remplace une autre image, on fait tourner les chaises. Nos cailloux voyagent dans la même case de marelle et à très grande vitesse. Hanté par la grande aiguille, tu fends la foule et l'abysse, mon ange. Je bricole des petites séquences et pour les mémoriser, je les chante. Je les chante. J'aime cette pluie sur mon visage. J'aime ce long silence qui passe. Si je j'ai la nostalgie du présent, cette nouvelle vie est si intense. J'entretiens la nostalgie pour quand toi et moi nous serons différents. J'entretiens la nostalgie pour quand nous serons forcément différents. J'ai déjà la nostalgie quand nous étions toi et moi différents. Et c'est Franck Monnet à l'instant sur France Inter. Les grosses têtes au carré ce vendredi en direct du Salon du Livre à Paris, avec évidemment la science très présente ici. Vous avez beaucoup de stands Science pour tous qui vous attendent, justement Sophie Bancard, jusqu'à dimanche. Et puis également le stand Radio France avec les auteurs scientifiques évidemment pour certains. Jean-Claude Amezen va venir ici signer son livre dimanche après-midi. Donc n'hésitez pas évidemment à passer ici si vous avez le temps. Claudie Aigneret, on va parler avec vous et bien justement de ce projet que vous avez salué cette semaine. Ça s'appelle Science Factor, c'est donc la troisième édition. Quelle est l'idée exactement au départ? C'est un concours ouvert sur l'ensemble du territoire français pour des élèves, des projets d'élèves troisième, seconde, première, terminale, sur des sujets scientifiques et techniques. Voilà, des jeunes qui se posent une question et qui ont envie d'apporter une réponse concrètement dans un travail de projet dont le leader de l'équipe projet est une jeune fille. Alors, ça vous tient à cœur, évidemment. Ça concerne à la fois le fait que jeunes filles et jeunes garçons, aujourd'hui, et c'est paradoxal, s'orientent pas trop vers les carrières scientifiques et techniques. C'est en déclin, en tout cas. Hein. Un petit peu partout dans le monde, à part l'Asie, peut-être. Le continent asiatique était effectivement très, très différemment positionné, mais c'est vrai qu'en Europe, aux États-Unis, au Japon, il y a un peu cette désaffection vers ces métiers qui sont pourtant des métiers passionnants et riches d'emplois. On sait qu'aujourd'hui, il y a 130 000 emplois sur le territoire français dans ces métiers scientifiques et techniques qui ne trouvent pas la jeune personne qui va y répondre. C'est assez paradoxal. Je crois qu'on ne connaît pas bien ces métiers et que peut-être au sein de l'école, on n'a pas encore suffisamment pris la mesure de ce que peut apporter ce travail collaboratif, de créer en commun, de faire un projet d'ingénieur, on sait bien à quel point chacun apporte sa contribution, un projet de chercheur aussi. Quand on vient de disciplines diverses, on a beaucoup plus de possibilité de trouver une solution innovante. Et ces jeunes vraiment nous ont fait ces propositions. Ça leur permet de parler en public. Donc collégiens et lycéens, c'était collégiens et lycéens. Et on a vu que la plupart de ces sujets traduisaient l'engagement de cette jeune génération vers des sujets concernant une meilleure gestion de notre planète, une préservation de notre humanité, trouver des solutions sur les ressources, trouver comment mieux gérer notre énergie. Donc des projets concret au service d'un progrès de l'humanité. Ouais. Axel Kahn, pour compléter les propos de votre ancienne ministre, comment est-ce que vous pourriez expliquer cette désaffection pour la filière scientifique et puis vraiment ces postes non pourvus, 130 000, c'est complètement incroyable. Moi, je l'explique assez bien. C'est un phénomène de société, en réalité. Une société qui met l'accent sur une réussite définie, tout d'abord par le caractère purement matériel de cette réussite pour des efforts, on va dire, raisonnables, ne privilégie pas des efforts absolument considérables nécessaires par la science pour, assez souvent, des carrières qui ne sont pas forcément les plus rémunératrices. Par ailleurs, dans l'image de la société, l'idée du début du 19e, du 20e siècle, du savant bienfaiteur de l'humanité est contrebalancée parfois par l'idée du savant pollueur de l'humanité, mettant en danger l'environnement, etc. etc. Et dans ce contexte-là, ce qui est nécessaire, c'est refonder la science comme un élément de jubilation, de liberté, comme capable de donner le moyen de décider d'agir efficacement. Mais il faut certainement refonder la démarche scientifique pour arriver à contrebalancer cette tendance. Ouais, le parcours d'Hubert Reeves, hein, justement, c'est cet astrophysicien qui se tourne vers l'environnement et qui devient un défenseur de la nature, hein, qui laisse un peu les particules de côté pour vraiment s'intéresser à l'écosystème. Oui, bon, je ne pense pas que je laisse l'astronomie de côté, mais je m'intéresse effectivement parce que j'ai des enfants et des petits-enfants et que je vois que leur avenir est en danger et que ça me paraît important pour les scientifiques parce qu'ils ont au moins la connaissance, ils ont plus de données pour aider à la situation, de m'y investir. Donc c'est à la fois parce que je suis scientifique de métier et aussi parce que j'ai des enfants et des petits-enfants. Claudie Nioret. Oui, je souhaitais me positionner sur l'optimisme par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'il y a une désaffection, mais quand je vois ces jeunes gens qui étaient les postulants pour ce concours Science Factor, ils sont pleins d'idées, ils ont envie d'être créatifs. Voilà. Si on leur fait des propositions, où on change peut-être un petit peu la façon, provoquer un déclic, leur donner de l'autonomie, leur donner la possibilité de s'affirmer, de se présenter, ça marche. Donc moi, je suis très optimiste dans la nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, elle est très sensible et engagée sur ces sujets dont on parlait. Quel est le projet que vous avez récompensé, justement, Claudie Nioret, pour nous donner un exemple des sujets là, qui étaient dans les cartons? Alors, c'était prévenir les accidents potentiels de la route sur des plaques de verglas par des détecteurs à la fois d'hygrométrie et de température avec des capteurs très, très... pas très sophistiqués, mais fiables. Ils sont vraiment posé la question pour arriver à prédire à quel moment il y aurait du gel et donc un risque pour les automobiles et transmettre tout ça. Numérique aidant la technologie à faire en sorte que notre santé soit préservée. Ça, Clémentine, Adrien, je suis sûr que vous auriez pu participer à ce type de projet. Parce ça m'aurait bien plu. Vous cogitez tellement en permanence. Nous aurions adoré. Ouais. Voilà. Mais vous faites d'autres très belles choses aujourd'hui. Bah, en fait, là, ça fait vraiment écho parce qu'on est dans une démarche où ce sont des projets de jeunes qui mettent en pratique un questionnement qu'ils ont sur une problématique réelle. Nous, c'est ce qui nous a porté à titre individuel là, pendant ces 14 derniers mois. Et c'est cette envie-là qu'on veut donner et qu'on veut partager. Voilà donc pour ce prix, Claudie Nioret, donc remis cette semaine. Un petit mot sur l'actualité spatiale de la semaine avec Thomas Pesquet. On a quand même appris cette semaine que l'astronaute français, donc Thomas Pesquet, serait le 10e français à aller dans l'espace, 8 ans après la mission de Léopold Eyjart sur l'ISS. C'est un club très restreint. Seulement le 10e, vous n'êtes que 10 Français. Oui, le 10e Français sur 550 à peu près astronautes dans le monde, dont seulement 10% de jeunes femmes. Ouais. Donc Thomas, je l'adore, c'est un garçon merveilleux, il va faire un travail formidable. Mais c'est vous les 10% formidable. De jeunes femmes, on a les 10% voilà. de jeunes femmes. Et je voulais signaler aussi que parmi les astronautes de l'Agence spatiale européenne, au mois de décembre de cette année, Samantha Cristoforetti, une astronaute italienne de l'Agence spatiale européenne, va voler. Donc elle précédera Thomas Pesquet et tous les deux vont faire un travail absolument remarquable. C'est vrai que d'avoir ces aventures humaines au sein de l'aventure scientifique et technique, oui. c'est important pour ce déclic, pour cette envie. Et bien évidemment, j'ai cité Samantha parce qu'il y a encore des stéréotypes trop marqués qui font que certains métiers, certaines carrières semblent être réservés aux hommes. Il faut déconstruire ces stéréotypes. Oui. Adrien, très vite pour finir. Juste là-dessus. Un petit mot parce que Thomas Pesquet, moi j'ai eu la chance de le côtoyer en école de pilotage. Donc il y a maintenant presque une dizaine d'années. Et il fait rêver toute notre génération. Et donc on est tous avec lui en permanence. Voilà. Oui, ça c'est le pilote de ligne qui parle en l'occurrence. Le pilote de ligne et le trentenaire. Ouais. Et Claudie, il va juste falloir qu'ils soient un peu patients avant de partir vraiment dans l'espace. À 2016, ça va venir très vite. Vous savez, c'est 2016 hein. 2016, oui, ouais. L'entraînement, la préparation. C'est vraiment les années d'entraînement qui sont... 2016, il y est déjà. Ouais. L'aventure, c'est pas simplement quand on grimpe l'échelle et qu'il y a la mise à feu. Ça démarre bien avant. Alors, Clémentine Bacry, Adrien Normier, avant de parler du livre d'Axel Kahn, Pensée en chemin, qui est sorti aux éditions Stock, on va évoquer donc votre magnifique projet. Clémentine, vous êtes avocate donc au barreau de Paris et du Luxembourg, Adrien donc pilote de ligne, et c'est ce projet, Les Ailes pour la Science, avec déjà un site internet qu'on peut indiquer aux auditeurs s'ils veulent aller voir en même temps que vous nous parlez, des films courts que vous avez justement réalisés avec la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte. Comment est née cette idée de partir entre mai 2012 et juin 2013 autour du monde pour défendre des projets scientifiques? Alors l'idée, c'est celle de Clémentine, c'est je veux sortir de mon contexte professionnel pour me rendre utile et découvrir la planète. Voilà. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut, en se déplaçant, être utile à quelque chose? De mon côté, je menais avec différents organismes de recherche des petites expériences aériennes. Oui. On s'est dit, mais avec un avion ultra léger, on peut apporter un support extraordinaire à des petites entités de recherche qui sinon n'ont pas la possibilité d'avoir accès à ce type d'engin. Et donc l'idée c'était de prendre un ULM, c'est ça, pour faire ce voyage? Exactement, un ULM, et on a mis sur la place publique la chose suivante: si vous avez un projet de recherche qui pourrait tirer une vraie plus-value de manipulation aérienne, contactez-nous. Et on a eu quasiment une centaine de réponses. Oui. On a fait un choix là-dedans. On est arrivé avec une quinzaine de projets qui font un tour du monde. Et donc, Clémentine, comme Thomas Pesquet, vous avez été très patient puisque ça a été long avant vraiment de décoller, hein, pour le coup. Ah oui, le projet s'est construit. La première idée, j'étais encore étudiante à l'époque. Oui. Et donc on s'est dit avec Adrien qu'effectivement, on avait envie, une fois que nos études seraient terminées, que nos carrières seraient lancées, on avait envie de prendre un peu le temps pour faire quelque chose de différent et découvrir la planète. Et quitte à la découvrir, autant la découvrir avec des gens qui vont dans le bon sens, qui œuvrent pour que justement cette planète soit encore mieux et encore plus belle. Et on avait donc envie de rencontrer des gens qui sont passionnants, parce que dans ces cas-là, ils sont passionnés et ils transmettent cette passion-là. Et la science s'est révélée la plus évidente. Et l'idée, c'était d'aider des scientifiques. C'est-à-dire qu'avec vraiment cet ULM, vous pouviez aller dans des endroits dont les scientifiques n'avaient pas forcément accès, auxquels les scientifiques n'avaient pas forcément accès. Ah, un exemple, par exemple, dans le golfe du Saint-Laurent, on a une équipe d'océanographes qui étudie les baleines. Bah, leur rayon d'action est limité à une quinzaine de milles nautiques autour de leur centre d'expertise, tout simplement parce qu'ils officient avec des zodiacs. Là, avec un petit ULM, on a pu couvrir la totalité de l'embouchure du Saint-Laurent, détecter tout un tas de groupes de cétacés dont ils n'avaient pas connaissance, ce qui va alimenter un rapport qui permet de faire, en l'occurrence, de faire opposition à un projet de prospection pétrolière dans la zone. Alors c'est ça, il y avait un enjeu incroyable, c'est-à-dire qu'il fallait découvrir ces baleines pour arrêter le projet de prospection pétrolière, c'est ça? C'est pas le projet de prospection pétrolière en lui-même qui pose un souci, c'est qu'on a, dans cette embouchure du Saint-Laurent, un nombre limité de cétacés, puisqu'en 30 ans, ils ont suivi, eux, par exemple, 1200 baleines à bosse, c'est tout, sur 30 ans d'observation. Et voilà, avec des canons à air comprimé pour sonder le fond marin, ces animaux-là, on les tue. Donc, il faut les protéger un petit peu. Hubert Rive, un mot quand même, parce que ça vous touche, ce sujet, évidemment, oui, pour plein de raisons. Je vous suis reconnaissant, puisque moi, c'est mon enfance. Le fleuve Saint-Laurent, le golfe Saint-Laurent, j'ai passé toute mon enfance dans ce coin-là, donc je vous en remercie. Oui. Donc il y a eu le Groenland, il y a eu plein de pays, l'Australie également, que vous avez survolé. Vous avez des souvenirs particuliers sur tous ces pays? Un souvenir fou en Australie. On survole le désert et là, on voit comme tout un tas de petits tumulus. C'était pas prévu. On se pose et en fait, ce sont des mines creusées à main d'homme par des mineurs d'aujourd'hui qui, pour $50 par an, ont un permis d'extraction et qui creusent avec pioche et explosifs, mais individuellement, pour trouver de l'opale. Ça nous a permis de nous plonger sur les principes de formation de l'opale et de rencontrer des gens qui cherchaient des fossiles qui s'étaient transformés en opale. Sophie Bancard. Oui, moi, je suis vraiment... Ça me fait un plaisir immense de les écouter parce qu'en fait, on est exactement au cœur de ce que nous essayons tout le temps de dire, à savoir que la science n'est pas uniquement au service de tout ce qui va polluer et détruire la planète. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont utilisé, c'est de la science. Tout ce qui les intéresse, c'est de la science. Et la science, elle est au cœur du progrès et de tout ce qu'on peut espérer faire de bien pour la planète. Axel Kahn. Oui, il est clair, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il s'agit typiquement d'un type de démarche refondatrice de l'image de la science, c'est-à-dire qui explique que si l'on veut en particulier comprendre les menaces à la planète, arriver à trouver des solutions, ça n'est pas moins de science qu'il faut, c'est plus de science et de conscience. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Oui, et de dire que ce qu'ils ont vécu comme aventure là, il faut leur donner les moyens effectivement de la transmettre, de la partager et de transmettre ces belles valeurs. Par les images, et ils ont fait des reportages formidables, par les blogs qu'ils ont alimentés, mais par cet écrit, je l'espère. Et ça, voilà, il fallait les accompagner pour que ce qu'ils ont vécu, ce que les équipes scientifiques ont vécu avec eux, chacun puisse le partager. Ils sont venus faire une conférence à la Cité des sciences et de l'industrie. Ils ont déclenché un enthousiasme formidable. Ils ont déjà leurs fans, tout cas, effectivement. Clémentine Adrien, sur les volcans, par exemple, il y a un bel exemple aussi, parce que vous avez fait beaucoup de découvertes qui ont apporté énormément à la science, Alors, là, c'est quelque chose sur lequel on voudrait appuyer très, très fortement. Alors, allons-y. Pour beaucoup, on s'imagine que la science, ça va être de plus en plus d'énormes instruments complexes et compliqués pour aller observer dans le détail des choses vraiment, vraiment précises. Ce qui est assez étonnant, c'est que là, on a survolé avec un petit ULM le volcan Krakatoa et avec un instrument, un spectroscope, mais qui fait la taille d'un gros téléphone mobile, on a réussi à mesurer les émanations de dioxyde de soufre de ce volcan et à montrer, avec cette mesure, que c'était le plus gros émetteur d'Indonésie, alors qu'il y a 150 volcans actifs là-bas. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, la découverte et l'avancée, au-delà de la spécialisation et l'expertise, elles peuvent venir d'un nouveau point de vue. Et là, comme on s'est promené finalement avec une nouvelle méthode, un moyen léger au service de la recherche, à chaque fois qu'on soulevait une pierre, on tombait sur quelque chose. Voilà, on a eu énormément de chance. Donc on souhaitait vraiment vous inviter pour vous entendre et puis nous parler de cette contribution, en tout cas exceptionnelle, parce que vous mêlez l'expédition, le voyage, le rêve et puis la science, évidemment, avec vraiment une utilité pour la connaissance. Claudie Aigneret, pour terminer. Envoyez votre dossier pour Science Factor l'année prochaine. Vous avez typiquement le profil. Pas de piston, Claudie Aigneret, surtout pas en direct à l'antenne. En tout cas, vous avez beaucoup écrit pendant le voyage. Donc maintenant, vous êtes dans l'écriture de ce récit. Et puis, il y aura évidemment un éditeur qui sera peut-être déjà à l'écoute, voire même une éditrice à votre gauche qui pourrait être intéressée par votre projet. Le site internet, Clémentine, pour terminer, pour ceux qui souhaitent se connecter. Donc, le projet en français s'appelle Des ailes pour la science. En anglais, Wings for Science. Et le site www.wingsforscience.com. Le site existe en deux langues. Axel Kahn, pour rien au monde, vous ne voudriez remplacer la force de vos mollets par un ULM, je suis sûr. Pour rien au monde, mais un des agréments de la marche à pied, c'est que vous levez le nez parfois, vous voyez des oiseaux, vous voyez des aigles, des vautours, et parfois, au milieu des vautours, un ULM. Voilà, pour méditer, pour méditer, pour réfléchir. Pensez en chemin, Ma France des Ardennes au Pays Basque sort, Ma France des Ardennes au Pays Basque sort donc chez Stock. Et c'est le récit de cette marche, aventure à pied. On vous avait reçu juste à la rentrée, je me souviens, en septembre. Vous rentriez en super forme. Et d'ailleurs, visiblement, c'est encore le cas. Ça vous a vraiment transformé, j'ai l'impression. En tout cas, c'est certainement une activité fantastique. Moi, je suis un scientifique. Et tout à fait dans la lignée de ce dont nous venons de parler, pour moi, la science, une des dimensions de la science, et il faut que tout le monde s'en rende compte, c'est une manière de s'approcher de la beauté de la nature. Vouloir non seulement l'appréhender, non seulement s'en réjouir, mais la comprendre. En réalité, les vrais scientifiques savent qu'il est totalement impossible de séparer la dimension esthétique de la dimension scientifique. Mon frère, qui était un chimiste théoricien extrêmement connu, lorsqu'il synthétisait ces molécules paramagnétiques, disait qu'il croyait en quelque sorte faire forger en orfèvrerie le collier qu'il passerait au cou d'une femme aimée. Et évidemment en astronomie, évidemment quand on voyage dans le cosmos, en mathématiques, en théorie physique, l'harmonie est un élément essentiel de crédibilisation de l'hypothèse scientifique. Eh bien moi, j'ai momentanément, mais pas totalement, mis de côté l'hypothèse scientifique et j'ai appréhendé et poursuivi la beauté. Ouais, l'harmonie, Hubert Ries, parce que ça vous correspond totalement aussi, hein. Voilà, dans le micro, Hubert. Nous sommes tout à fait d'accord sur cette position, c'est fondamental pour avoir une vie agréable. Claudie Aigneret. Et je pense qu'en utilisant effectivement ces ressorts de l'émotion, de l'harmonie, de la poésie ou d'autres natures, on peut aussi aller vers la science par un chemin différent. C'est ce qu'on essaie de faire, par exemple, Cité des sciences aujourd'hui. On a une exposition sur la voix qui nous emmène de ces émotions, de ces sensations qu'on peut avoir sur la voix à sa physiologie et à sa compréhension. On va ouvrir une expo sur art robotique, comment les créateurs se servent du robot pour avoir des performances ou des propositions créatrices très, très différentes. Voilà, ces liens entre art, science, cette poésie, cette harmonie, elle est enrichissante considérablement. Voilà, Claudine Recover, une petite page de pub là comme ça pour Universcience, l'air de rien, au milieu du livre d'Axel Kahn, le programme en direct. Écoutez, voilà. Alors Axel, en tout cas c'est vrai que je le disais, vous êtes en super forme. Vous avez eu des discussions assez houleuses d'ailleurs avec Claudie Aigneret à l'époque. Houleuse, non, on va dire franche, c'est comme ça qu'on dit. Franche. C'était rock'n'roll quand même, hein. Voilà. C'était pour faire avancer. Voilà, la c'était au moment science. De Sauvons la recherche. Oui. C'était un mouvement qui était né dans l'institut que je dirigeais, et donc j'étais très proche de ce mouvement. Il faut dire qu'il était contestataire à l'activité de Madame la ministre, et donc nous nous sommes expliqués. Alors, sur cette idée qui est importante dans votre livre, c'est cette harmonie que vous décriviez, Axel Kahn, et puis c'est cette idée, cette recherche du, enfin, en tout cas. Cette idée du bonheur, voilà, tout simplement. Vous avez de très belles lignes là-dessus, hein. Vous écrivez beaucoup là-dessus. Vous dites vivre ces instants, les ressentir, parvenir à être en résonance émotionnelle avec ses perceptions m'amène logiquement à me demander si c'est bien ça, être heureux. Oui, et c'est une question que le scientifique peut se poser également. Pour moi, le bonheur, c'est le moment où l'analyse que l'on fait de ce que l'on vit correspond à ce à quoi l'on aspirait. Pour le scientifique, c'est à un moment donné être parvenu à la compréhension d'un ensemble de connaissances fondant une théorie, un système d'une sublime harmonie. Mais ce peut être déconnecté de la recherche scientifique également. Chaque fois que vous avez été capable d'avoir des aspirations, de vouloir les réaliser et analysant ce que vous avez fait, considérez que c'est très proche de ce que vous espériez, alors là, en effet, vous êtes heureux. Oui. Pour être heureux, il faut savoir vouloir. Et ensuite réaliser. Clémentine, Adrien, pendant votre périple, justement, lorsque vous survoliez les pays d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, vous avez éprouvé ces moments tout à fait particuliers, hein, ces moments de grâce intérieure, au fond, hein. La notion de bonheur était évidemment tout le temps présente, mais comme disait Claudie, l'aventure commence pas quand on décolle. Enfin, la notion de bonheur était présente même dans la construction du projet, et elle l'est toujours maintenant quand on est en train de revenir sur Terre et de valoriser tout ça et de construire la suite. Alors c'est ça, parce qu'il y a aussi ce bonheur personnel, cette solitude relative aussi au cours de la marche Axel Kahn, et puis après le partage, ce que vous avez fait d'ailleurs parallèlement, hein, à ce périple. En utilisant les nouvelles méthodes de l'information et de la communication, comme on dit, c'est-à-dire que assez souvent, on indique que le marcheur solitaire veut se retrouver lui-même. Moi, je ne me suis jamais perdu, je n'avais pas à me rechercher, mais je savais que j'éprouverais des joies et que je m'enrichirais. Cela étant dit, je fais partie de ceux, comme les gitans le disent, qui considèrent que tout ce qui n'est pas donné ou partagé est perdu. Et donc, si je me suis enrichi, c'est aussi pour pouvoir partager. Être plus riche permet de mieux donner et de mieux partager. Et donc, j'ai essayé de le faire en temps réel, avec Twitter, avec les nouvelles méthodes, avec un blog extrêmement suivi, etc. Et ça, ça donnait sens à la totalité de mon parcours. Oui. Hubert Ries est sur Twitter, d'ailleurs, hein. Vous avez un compte, Hubert? Oui, sur Twitter et sur Facebook. Absolument. Aussi. C'est un très bon moyen de faire connaître les spectacles, les idées, ouais, les projets, tout, oui, ça. Oui. Il y a plusieurs membres de la famille Reeves, d'ailleurs, aussi, hein, qui sont... Il y a votre fils aussi. C'est mon fils qui dirige le mon fils sur Twitter. Adrien, vous vouliez réagir. Pour rebondir sur ces propositions d'émotion que vous faites, Axel, nous avons là, cette table, trois échelles fabuleuses sur la planète. Nous avons celle du marcheur qui se plonge dans la nature. Nous avons la nôtre un petit peu intermédiaire à une altitude médiane, qui avons la chance d'observer la Terre depuis le ciel. Puis nous avons celle orbitale de Claudie. De l'astronaute. Et celle d'Hubert. Et extra-orbitale. Sophie Bancard. Et aussi celle de la collectivité qui se met ensemble pour réaliser quelque chose. Parce que ça, c'est aussi un bonheur que je voudrais souligner, nous, au groupe Sciences pour tous. C'est un merveilleux bonheur de travailler tous ensemble pour faire passer la science. Et je sais que Claudie, ouais, a les mêmes expériences. Et Axel, vous êtes encore en plein entraînement pour la suite, parce que vous repartez là dans, oui, quelques semaines. Écoutez, je ne suis pas masochiste, j'aime être heureux. Et comme j'ai été heureux durant ces 3 mois, je suis allé des Ardennes au Pays Basque, eh bien, je pars le 8 mai de la Pointe du Raz pour aller jusqu'à Menton, où j'arriverai le 22 juillet. Et je pense qu'il y aura énormément de partage, énormément d'observations. Et vous me suivez sur les réseaux sociaux. Oui. Sans doute également un autre livre, Entre deux mers. Bien, Claudie, Aigneret, pardon. Non, Mathieu, vous m'y avez... Vous venez avec moi, vous m'y avez... Claudie. Pourquoi pas, merci. Oh ben vous savez, en tout cas, au niveau de l'entraînement, elle est en béton armé. Hein, parce qu'après tout ce qu'elle a subi, c'est incroyable ce que vous avez subi quand même. Il y avait une série sur France Culture qui vous était consacré, oui, il n'y a pas longtemps, vous racontiez ce que vous avez fait. Oui, c'est formidable de tester la chaise tournante. Effectivement, son corps, on y a du bonheur aussi à voir comment effectivement on a ce corps qui fonctionne bien. Non, c'était une plaisanterie que vous aviez autorisée au début. Ah mais oui, pardon. Mais oui, faites-la. Puisque Axel redescend vers le sud, je voulais lui demander si éventuellement sur son chemin il croiserait Jérôme Kerviel. Alors, je faisais remarquer que j'avais plus de temps que lui parce que, d'après ce que j'ai compris, si moi, j'ai cherché la santé vers le sud, lui, il remonte vers la santé au nord. Allez, Axel Kahn, on terminera là-dessus. Chez Stock, pensez en chemin. Ma France des Ardennes au Pays Basque, tous les projets dont nous avons parlé sont sur le site de la Tête au Carré. N'oubliez pas, bien sûr, de venir rencontrer les auteurs qui seront présents sur le stand des éditions Radio France. Demain samedi, Vladimir Fedorovski, Yves Coppens, et puis dimanche, Antoine Compagnon, Jean-Claude Amezen ou encore François Morel. Et puis demain samedi à 15h, vous savez que vous êtes encore là, Hubert. 15h, vous participerez à l'émission La librairie francophone sur France Inter. Vous vous souvenez, hein ? N'oubliez pas de venir. Oui, donc je m'en demain, souviens. Voilà, juste après le déjeuner. Merci, d'accord, beaucoup à tous. Merci au public. Passez un excellent week-end et à bientôt.